Ces jours-ci, certains médias américains font courir une opinion démagogique sur la détention des Américains en Corée. À ce propos, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 11 aux questions posées par un correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée. En voici le résumé. Certains médias conservateurs américains trompent l'opinion publique avec des sophismes absurdes selon lesquels nous kidnappons les Américains pour les utiliser comme objet de négociation et bouclier humain. Comme il est indiqué dans la déclaration du porte-parole du ministère de la Sûreté nationale, les États-Unis et autres forces hostiles recourent même en ce moment aux crimes ultra-géants pour supprimer notre direction suprême et renverser notre État. Les Américains récemment détenus sont soumis à une enquête de l'établissement judiciaire compétent pour leurs crimes commis contre notre République. Traiter les criminels selon la loi est un exercice du droit inaliénable d'un État souverain. Si les médias conservateurs américains figurent les Américains détenus dans notre pays comme otages pour les négociations avec les États-Unis, cela ne prouve que leur ignorance des connaissances élémentaires sur le pouvoir d'État. Les crimes commis par les détenus seront bientôt dénoncés. Nous dévalerons et déjurons tous les complots des éléments malsains et hostiles contre notre République, châtierons impitoyablement les criminels et défendrons fermement notre État et notre régime souverain.